Shaolin, Shaolin, Doggy Style, Chronic, The Firm, War Report, Cause Dog, Kill the Piss. Everyday quand j'ride, j'fais tourner mes classiques. Micro ST dans le poche, je brûle le bitch, ma homie. L'attitude comme les niggas de Campton et Long Beach. Garde un sur la street, côté conducteur, baisse la ville. Si peu mes fils vont prendre leur lait avec leur team, leur tourne. Ça fait un bail que j'ai plus 20 piges, compte à rebours. Depuis le placenta dont j'suis sorti, chacun son tour, j'compte bien partir le plus tard possible. Dans le game, tous les ans, j'vois débarquer un nouveau prodige, un nouveau produit, devrais-je dire. Éphémère comme le foie d'une pute alcoolique. En pleine lumière aujourd'hui, au fond d'un tiroir, 2 ans plus tard, les poches vides. Mais au chantier comme à l'usine, on cherche du monde pour taffer en intérim. Écriture sale, je confirme, je fais pas dans la dentelle, retour à la street. Comme en 97, de New York à L.A., Kurt Russell, Snake Plissken, Nicolas Cage, Nuke Long, les ailes de l'enfer. Retour à la street, je ravise mes classiques, VHS et post-cassette. La sueur des bastos, la basse ton des mecs balèzes. Nicolas Cage, nuque longue, les ailes de l'enfer. J'explose sur 10, ma douleur, ma haine sans peine. Sa mère, j'observe de loin le rap game. Rares sont les fois où je me dis ça rappe bien. Ça marche frère, tant que ça pousse la barre, tant que les coups sont à leur place. Tant qu'on se fight entre ces quatre cordes hardcore, qu'on se le dise. Ça mange pas de pain ou pas de porc. On s'en bat les clés, oui, chacun voit midi à sa porte. Les mots sortent de la bouche des fils de pute comme des bastos. Normal que je m'emporte. Je vous pisse dessus depuis l'époque où Arsenic porte et du Lacoste. Je vous tire dessus depuis le début et à chaque album. J'espère être célèbre post-mortem comme Van Gogh. J't'arrache l'oreille gauche pour la donner à bouffer à Tyson. Mort de rire, j'boxe la rime, j'porte les coups, les autres me portent la hit. Déjà mort depuis mon premier disque. Sur la cover c'était écrit. Écriture sale, j'confirme, j'fais pas dans la dentelle, retour à la street. Comme en 97, de New York à L.A., Kurt Russell, Snake Plissken, Nicolas Cage, nuque longue, les ailes de l'enfer. Retour à la street, je ravise mes classiques, VHS et post-cassette. De la sueur, des bastos, la basse ton des mecs balèzes. Nicolas Cage, nuque longue, les ailes de l'enfer. Minimaliste, instru, j'persiste, ma story percute. J'chronique la vie, ça vient de la rue. Écriture journalistique, putain de vécu. Veni, vidi, vici, mort au vaincu. J'pars en couille grave quand on me gueule dessus. Mes démons sortent du bois comme la demeure de ton cul. Violence extrême dans mon ADN. Depuis les siècles et les siècles, y'a un bruit sur le pompe, tire mais nous fait pas une scène. J'connais trop bien le manège, sa gueule devant la foule, geste obscène. Mais 9 fois sur 10 fait machine arrière. Les balles dringues laissent les couilles au vestiaire. Rase les murs en temps de paix et vote Le Pen. Rase les murs en temps de paix et parle de guerre. En temps de guerre, collabore comme en 45. Leurs bonnes femmes et leurs mères finiront la boule à zèle. Elles boulent en sang bon, sans l'ancien que je suis et toujours en forme. Écriture sale, je confirme, je fais pas dans la dentelle, retour à la street. Comme en 97, de New York à L.A., Kurt Russell, Snake Plissken, Nicolas Cage, nuque longue, les ailes de l'enfer. Retour à la street, je ravise mes classiques, VHS et post-cassette. De la sueur, des bastos, la baston, des mecs balèzes. Nicolas Cage, nuque longue, les ailes de l'enfer.